Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. Eureka! Avant-nous le déluge, la question des origines de l'humanité a longtemps trouvé des explications dans les récits mythologiques ou religieux. Il a fallu attendre le 19e siècle pour que les découvertes de restes fossiles humains, mais aussi d'outils, remettent en cause ces récits des origines. Avec ces traces du passé exhumées, naissait une discipline à la frontière entre les sciences naturelles et les sciences humaines, la préhistoire, qui depuis plus de 150 ans n'en finit pas de réécrire l'histoire d'avant l'histoire. Raconte-nous une préhistoire, c'est un retour aux origines que nous vous proposons pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour parler de l'invention de la préhistoire, nous avons le plaisir d'être en studio avec Claudine Cohen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, historienne des sciences, directrice d'études à l'EHESS et à l'EPHE au laboratoire Biogéosciences, membre du Centre de recherche sur les arts et le langage. Vous êtes l'autrice de nombreux ouvrages parmi lesquels Boucher de Perthes, les origines romantiques de la préhistoire, coécrit avec Jean-Jacques Hublin, réédité en 2017 aux éditions Belin, La femme des origines, image de la femme dans la préhistoire occidentale, réédité en 2020 aux éditions Belin, ou encore Nos ancêtres dans les arbres, penser l'évolution humaine aux éditions du Seuil en mars 2021. Nous sommes également en ligne avec Arnaud Hurel. Bonjour. Bonjour Antoine Cochon. Vous êtes historien au Muséum National d'Histoire Naturelle, auteur de La France préhistorienne de la Révolution à 1941, paru aux éditions du CNRS en 2007, mais aussi de L'Abbé Breuil, un préhistorien dans le siècle, paru aux éditions du CNRS en 2011. Je le disais en introduction, nous allons parler tout au long de cette heure de la mise en place et de l'évolution de la préhistoire en tant que discipline, mais également de ce que les découvertes dans le domaine ont changé à nos connaissances de nos origines. Et pour ouvrir cette émission, je vous propose de faire un retour en arrière et d'écouter un passage tiré de l'œuvre du poète et philosophe latin Lucrèce, de La nature des choses. La race humaine, alors éparse dans les campagnes, était beaucoup plus dure, comme elle devait l'être, enfantée par les dures entrailles de la terre. La charpente des eaux était plus vaste, plus solide, des nerfs plus robustes attachaient les muscles. L'homme n'était sensible ni aux surprises du froid ou de la chaleur, ni à la nouveauté des aliments, ni à aucun fléau du corps. Durant 1000 révolutions du soleil autour des cieux, il traînait partout sa vie à la manière des bêtes errantes. Il n'y avait point encore de bras vigoureux qui mania le socle courbé, point d'homme qui sut travailler le sol avec le fer, enfouir dans la terre de jeunes arbrisseaux, ou élaguer sous la faucille le feuillage vieilli des grands arbres. Ce que leur donnait le soleil ou la pluie, ce que la terre répandait elle-même, suffisait, humble don, pour apaiser le cri de leur estomac. Ils ne savaient pas encore dompter les choses avec le feu, ni employer des peaux et vêtir leur corps de la dépouille des bêtes. Ils habitaient les bois, le creux des montagnes, les grandes forêts, et ils cachaient dans les broussailles leurs membres incultes, obligés de fuir les coups du vent ou de la pluie. Incapables de songer au bien commun, ils ignoraient entre eux l'usage des lois et des mœurs réglées. La proie que le hasard offrait à chacun s'en emparait, instruit par la nature à se conserver et à vivre pour lui-même. Claudine Cohen, une réaction à ce texte antique, mais qui pose déjà une espèce de vision assez fidèle de ce que pouvaient être les premiers humains. Oui, c'est un texte magnifique que celui de Lucrèce, et on voit que déjà, dans l'Antiquité romaine, on pensait cette origine. Et on la pensait, comme il le dit, comme une espèce non différente de nous, hein, c'est des hommes comme nous, mais ce sont des hommes d'abord qui ne sont pas des agriculteurs, qui sont des prédateurs, hein, et puis qui ne vivent pas en société, hein, qui vivent de façon individualiste. Donc ce sont des choses qui ont traîné pendant très longtemps, hein, dans l'imaginaire occidental. Et je crois qu'elles ont été bien sûr révisées par la préhistoire. On sait aujourd'hui qu'il a existé des espèces humaines différentes de la nôtre. On sait évidemment que certains représentants de ces espèces ont vécu une vie de prédateurs, de chasseurs-cueilleurs, mais on sait aussi qu'ils ont été contemporains d'animaux éteints. Et ça, c'est très important pour faire la démonstration même de l'existence de l'homme fossile. Arnaud Hurel, une réaction à ce texte de Lucrèce de La Nature des Choses et à ce fossé qui s'est creusé entre cette antiquité-là et le 19e siècle, où on a commencé à reposer en des termes renouvelés la question des origines de l'humanité. Alors, bien évidemment, le texte de Lucrèce est intéressant, mais comme toute œuvre de poésie ou toute œuvre littéraire, il ne s'agit bien évidemment pas d'un texte scientifique, il ne s'agit bien évidemment pas du tout de préhistoire, hein, ça fait partie de toutes les mythologies qu'on peut trouver dans toutes les civilisations, on considère les origines sous un angle ou sous un autre. En revanche, ce qui est intéressant avec votre texte, c'est que finalement, ce sont les matérialistes français, à la fin du 19e siècle, qui font redécouvrir les œuvres de Lucrèce, en particulier le texte que vous avez présenté. C'est entre autres André Lefebvre, qui en 1873 va publier une traduction de ce texte dans une collection d'une maison d'édition matérialiste. Et en fait, j'évoque ces matérialistes parce qu'en fait, il y a un courant très fort en France du matérialisme scientifique qui touche les anthropologues et qui touche la vision de la préhistoire développée par les anthropologues en France et dans une bonne partie de l'Europe. Donc il y a finalement entre ce texte et l'actualité scientifique de la fin du 19e siècle un lien qui n'est pas celui de la préhistoire, mais qui est celui du matérialisme scientifique. Mmh. On salue les mouettes au passage dans votre lieu de résidence, Arnaud Hurel. Claudine Cohen, il y a quelque chose d'intéressant et qu'il faut mentionner, c'est qu'en ce début du 19e siècle, on s'intéresse à la paléontologie, à l'histoire de la nature avant, dans des temps fossiles. Et est-ce que ça, finalement, c'est le premier socle de la préhistoire, c'est l'étude de la nature éteinte? Absolument, c'est une grande révolution que celle qu'a opéré Cuvier, hein, puisque c'est lui qui a fondé cette science avec beaucoup de panache, la paléontologie des vertébrés, et qui a mis au jour l'existence d'espèces éteintes, ceux qui étaient plus ou moins soupçonnés, mais qui n'avaient jamais été prouvés, et il l'a mis au jour en montrant en particulier qu'il y avait des espèces d'éléphants actuels et une espèce d'éléphant éteinte, le mammouth. Donc il a fait cette démonstration, et à partir de là, s'est déployé un monde extraordinaire, sous les pieds des Parisiens, hein, avec des ossements qui jonchaient le gypse de Montmartre, etc. Et Balzac lui-même dit Cuvier est le plus grand poète de notre temps, hein, qui fait ressurgir un mammouth d'un os ou d'une dent qu'on trouve là. Et donc, il manquait à la pensée de Cuvier l'idée que l'homme lui aussi avait eu des espèces éteintes. Pour Cuvier et pour tous ceux qui l'ont suivi, et il a eu beaucoup de disciples au XIXe siècle, c'était une personne extrêmement charismatique, et même au-delà de sa mort, il est mort en 1832, pour eux, l'homme fossile ne pouvait pas exister. Hein, il y avait des animaux fossiles, mais l'homme était l'objet d'une création, hein, était advenu après. Et ça, c'est une très vieille idée. On la trouve chez Buffon, on la trouve chez tous les penseurs de l'histoire, la grande histoire de la Terre et de la vie, qui déjà s'est déployée au XVIIIe siècle et même avant. L'homme est une création spéciale. Et l'homme advient une fois que tout est prêt pour le recevoir. Et c'est ce point-là qui doit être discuter, hein, et c'est là-dessus que se sont battus un certain nombre de pionniers des années 1830 en France, d'autres en Angleterre, et le grand combat appartient à Jacques Boucher de Perthes, qui lui s'est battu avec énormément de panache pour la reconnaissance de cet homme fossile. On y viendra bien évidemment à cette figure majeure et quasiment paternelle de la préhistoire. Arnaud Hurel, j'aimerais, avant d'en arriver à Jacques Boucher de Perthes, qu'on explique un petit peu quelle a été la première trouvaille qui nous a mis sur la piste des humains fossiles. Est-ce qu'on peut la dater? Est-ce que, voilà, je crois que c'est dans les années 1820 qu'on commence à trouver des premiers humains fossiles, mais qu'on n'arrive pas encore à bien les interpréter? Alors, il est certain que Cuvier joue un rôle déterminant, parce que autant Buffon avait donné un âge de plus en plus lointain pour la Terre, autant Cuvier, lui, donne finalement une histoire de l'apparition de la vie beaucoup plus lointaine que ce qu'on imaginait avant lui. Donc, de ce point de vue, il a un rôle absolument déterminant. Sur la question des hommes fossiles, Cuvier va finalement, On a peut-être parfois tendance à lui prêter une position qui serait de dire qu'il ne croit pas en l'homme fossile. Je ne sais pas si c'est une question de croyance, en tout cas de fait scientifique, puisqu'il répond qu'on ne lui a pas montré d'ossements d'homme fossile. Ce qui est différent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, puisque lui-même, croyant à un système de révolution du globe, de révolution successive, c'est-à-dire de disparition puis de réapparition des espèces, peut très bien imaginer la présence d'un homme dans l'une de ces révolutions fort lointaines du globe. D'ailleurs, il appellera la découverte des restes d'un homme fossile dans ce qu'il appelle les couches régulières du globe, c'est-à-dire en fait les dépôts alluviaux. Mmh. Et c'est d'ailleurs en 1859, autour de 1859, que le consensus international interviendra autour de ces couches alluviales, en particulier de la vallée de la Somme. Quant à répondre à votre question sur dire est-ce qu'il y a un premier, est-ce qu'il y a un jour où, je ne crois pas. Vous savez, il suffit de se promener dans les champs et après le passage du tracteur qui a labouré le champ, vous avez de grandes chances de découvrir une pierre taillée, une pierre polie en particulier. Et ça ne fera pas obligatoirement de celui qui découvre la pierre un préhistorien et encore moins quelqu'un capable de donner une date à cet objet et de se poser la question de son antériorité par rapport au présent. Mmh. Donc de tout temps, en fait, on a découvert des objets, de tout temps, on a découvert des restes d'animaux fossiles, mais il manquait les personnes capables d'interpréter ces objets, c'est-à-dire de les interpréter scientifiquement et de les situer dans une chronologie précise ou très générale, mais de leur donner une temporalité. Claudine Cohen. Oui, vous disiez en commençant qu'on assiste à l'émergence d'une discipline, la préhistoire. Mais il faut bien dire que ce sont deux disciplines. C'est la préhistoire, qui est l'étude donc des cultures préhistoriques à travers les cailloux, les objets de pierre taillée, les objets d'art, etc. Et puis, la paléontologie humaine, qui est une discipline qui est proche de celle qu'avait inventée Cuvier, mais qui s'applique à l'homme, c'est-à-dire qui s'applique aux fossiles humains. Et à cet égard, certes, on a découvert un certain nombre de fossiles qui ont été prétendument humains et qui ont été dénoncés. Et Cuvier avait très brillamment montré que ce fameux homme témoin du déluge que Scheuchzer avait clamé avoir exhumé en 1725, ça n'était guère qu'une salamandre géante. Mmh. Hein, il avait vraiment fait cette démonstration anatomique très très bien. Mais il faut bien dire que le premier fossile reconnu comme tel et qui a vraiment défrayé la chronique à ce moment-là, ça a été celui de Néandertal, hein, dans le vallon de Néandertal. Hein, et c'était en 1857. Que ce fossile a été exhumé. Il a posé beaucoup de questions. On a dit que c'était une forme pathologique, on a dit que c'était un cosaque qui s'était retrouvé là en revenant de la retraite de Russie, etc. Et puis finalement, assez vite, on a montré que c'était un humain fossile, et c'est en 1864 qu'il a vraiment été défini comme un homo, un représentant de notre genre, mais non pas un représentant de notre espèce, c'est-à-dire une espèce différente d'Homo sapiens. Et ça, c'est un moment majeur de la paléanthropologie, c'est sa création même. Très bien, on va faire l'appel. Nous sommes à l'âge de Pierre. Pierre ? Présent. Pierre ? Présent. Pierre ? Présente. Pierre ? Présente. Ah. Pierre ? France Culture. Pierre ? Eureka. Évidemment, encore absent, celui-là. J'imagine que Pierre n'est pas là non plus. Antoine Beauchamp. Comme par hasard. On évoquait juste avant cette petite instant par les Robin des Bois, on évoquait la découverte de l'homme de Néandertal. Avant d'en arriver là, j'aimerais, Arnaud Hurel, qu'on évoque l'une des figures majeures de cette naissance de la préhistoire, c'est le français Jacques Boucher de Perthes. Est-ce que vous pourriez nous dire, alors peut-être soit Claudine Cohen, soit Arnaud Hurel, qui était-il ? Arnaud Hurel, allez-y. Qui était ce personnage un petit peu en couleur qui a eu une importance aussi déterminante dans la mise en place de la préhistoire ? Alors, haut en couleur, ou au contraire très terne, je ne sais pas comment le qualifier, parce que finalement, si on lit le roman d'André Mauroy, Ni ange ni bête, il nous apparaît finalement assez terne, ce pauvre Boucher de Perthes. Mais c'est peut-être les circonstances d'écriture d'André Mauroy qui faisaient qu'il voyait tout sous cet angle-là. En fait, Boucher de Perthes est un... Comment le un polymathe. Il s'intéresse à énormément de sujets et il s'intéresse à la littérature. Il écrit des pièces de théâtre. Il a une correspondance très fournie. Il a des visions sociales, des principes. Il publie pas mal d'ouvrages sur exposant ses considérations sociales, statut de la femme, statut des ouvriers. Et puis il s'intéresse aussi à une forme de spiritualité, c'est-à-dire qu'il développe toute une métaphysique fondée sur la métempsychose, donc l'idée de réincarnation successive. Et pour comment dire, conforter cette approche très particulière, cette vision du monde, il va s'intéresser à l'histoire de l'homme, à l'histoire des civilisations humaines, et c'est ce qui va le conduire petit à petit vers ce qui va devenir plus tard la préhistoire. Alors, effectivement, certains pourraient dire aussi que c'est par désœuvrement. À Abbeville, les soirées étaient peut-être fort longues, et la position sociale qu'il pouvait acquérir en étant président de la société d'émulation d'Abbeville était aussi un argument qui jouait en faveur d'un intérêt pour l'archéologie ou la paléontologie. Enfin, toujours est-il que Boucher de Perthes a écrit sa propre histoire en la matière. Il nous a laissé énormément de textes. Il a un peu antidaté ses découvertes, d'ailleurs, pour se donner le beau rôle, si on considère que d'être le premier en quelque chose donne une valeur supplémentaire à la découverte. Toujours est-il que, en gros, dans les années, fin des années 1830, début des années 1840, il commence à argumenter autour de l'idée que des pierres taillées, donc des artefacts mis au jour par lui ou par des ouvriers des carrières d'Abbeville, mis au jour dans des couches profondes, des terrains alluviaux que j'évoquais tout à l'heure, et trouvés en association avec des restes d'animaux fossiles disparus, prouvent finalement la contemporanéité à la fois des artefacts et de ces animaux fossiles. En d'autres termes, tout cela prouverait que l'homme a vécu en même temps que ces animaux, aujourd'hui disparus, soit parce que l'espèce a disparu, soit parce que ces animaux habitent maintenant d'autres contrées, fort éloignées de la vallée de la Somme. Et donc il va commencer à essayer de faire reconnaître cette idée, cette profondeur temporelle nouvelle accordée à l'homme, mais il va le faire à sa façon, c'est-à-dire de manière systématique, hein, en écrivant à toute la communauté scientifique nationale et internationale, en envoyant des matériaux un peu partout, hein. Il envoie énormément de pièces mises au jour dans les musées de province, dans les musées européens, à d'autres scientifiques. Il essaie de faire reconnaître ses découvertes, mais tout ça est quand même truffé de, et là je vais reprendre votre expression, ce côté un peu haut en couleur, tout ça est truffé de considérations philosophiques et sociales qui ne sont pas, s'inscrivent pas obligatoirement dans une démarche exclusivement scientifique. Claudine Cohen. C'est ce qui va finalement donner mauvaise presse à une bonne partie de ses recherches. Claudine Cohen, sur ce personnage-là et sur peut-être les premiers jalons qu'il pose en tout cas pour la préhistoire. Écoutez, pour avoir lu l'intégrale de ses œuvres, hein, c'est le travail que nous avons fait avec Jean-Jacques Hublin pour la rédaction de ce livre qui a été publié il y a quelques décennies et qui a été réédité donc très récemment. Il m'apparaît au contraire comme quelqu'un d'assez brillant, ce Boucher de Perthes. Hein. C'est un espèce d'homme tous azimuts qui écrit sur son temps, qui a ce traité de philosophie en trois volumes, en cinq volumes de la création, mais qui visiblement n'a pas fait date et qui n'est pas une œuvre. Bon, on l'a exhumé, bien sûr, on l'a relu, mais c'est pas une œuvre qui est très connue et que lui-même ne revendique pas tellement finalement. Mais quand même, c'est le fils d'un naturaliste. Hein, son père était académicien, enfin il était correspondant de l'Académie des sciences. Il a lui-même sauté sur les genoux quand il était petit de pas mal de naturalistes du temps, y compris Cuvier, etc. Et donc il a quand même, il n'a pas que de la métaphysique dans la tête, il a quand même aussi cet intérêt naturaliste pour l'observation, pour donc toute cette ce regard sur les ossements d'animaux, sur les outils, etc. Et il a aussi un autre avantage, ce qu'ont d'ailleurs pas mal de ces pionniers de la préhistoire en cette première moitié du 19e siècle. On n'a pas cité des gens comme Tournal, on n'a pas cité des gens comme Schmerling, qui étaient des gens formidables, qui ont trouvé des choses, mais qui l'ont fait beaucoup trop tôt. Mais en tout cas, c'était tous des gens qui étaient à l'écart de l'institution académique. C'était des gens qui étaient en province. Des amateurs éclairés. Des amateurs. Et il semble bien qu'à cette époque-là, le renouveau du savoir ne pouvait pas venir de l'institution, de l'académie. Et à l'Académie des sciences, le savoir était un peu figé. Il ne pouvait venir que de personnalités qui étaient un peu marginales, comme ça, et qui pouvaient inventer des choses nouvelles. Et Boucher de Perthes fait partie de cela. Et même s'il y a un petit côté hurluberlu dans sa personnalité, il y a quand même une volonté de preuve qu'il avait d'ailleurs hérité au sein de cette société d'émulation d'Abbeville, qui était vraiment un lieu très fécond. Hein. On ne mesure pas aujourd'hui l'importance de ces sociétés provincial, qui était extrêmement riche. Il y avait tous les notables du coin, il y avait les médecins, il y avait toutes sortes de naturalistes qui étaient présents. Et en particulier, il y avait un certain Casimir Picard, hein, son nom ne s'invente pas, mais en tout cas, c'était quelqu'un d'extrêmement brillant, qui avait lui-même étudié la géologie donc de la basse vallée de la Somme, qui avait montré très bien sa stratigraphie, qui avait d'autre part étudié les outils de pierre taillée et qui avait montré que c'était pas du tout des objets de rebut, comme on le croyait longtemps. Hein. C'était pas des choses qui n'étaient pas finies, des ébauches qu'il fallait polir après. Non, c'était une autre forme de technique qui avait une plus grande ancienneté. Hein. Et c'est cela que Boucher de Perthes va reprendre, c'est-à-dire cette distinction qui d'ailleurs se trouve dans le titre de ces trois grands livres, les antiquités celtiques et antédiluviennes. Et il fait la distinction entre ce qui est celtique, et vous savez qu'à l'époque, le celticisme était quelque chose de très à la mode, on parlait beaucoup des Gaulois, c'était un des poncifs romantiques, hein, le poème d'Ossian, etc. Alors, les Celtes d'un côté, à qui étaient attribuées les pierres polies, et puis, avant, antédiluvienne. Avant le déluge. Avant le déluge. Hein, mais bon, ce déluge, c'est le diluvium plutôt que le déluge. C'est un concept géologique un peu flou. Hein, mais en tout cas, avant les Celtes, eh bien, il y avait ceux qui avaient taillé des pierres. Et c'est là, dans cet espace chronologique, dans cette distinction, qui est aussi une distinction stratigraphique, géologique, hein, entre deux périodes, que va se loger la démonstration de l'existence de l'homme fossile. Et Boucher de Perthes a vraiment fait cette démonstration en montrant d'un côté une mâchoire d'éléphant fossile associée à un objet de pierre taillée. On savait ce que c'était que ces objets de pierre taillée. On savait ce que c'était que cette mâchoire d'éléphant. L'association des deux faisait preuve. Arnaud Hurel, Claudine Cohen évoquait tout à l'heure... Oui, pardon. Excusez-moi, je voudrais apporter une précision. Allez-y. À l'évidence, je me suis mal exprimé. Je crois que il y a une espèce d'artefact historiographique qui serait de faire maintenant, en 2021, le tri entre ce qui serait bon et ce qui serait mauvais chez Boucher de Perthes. Je crois au contraire qu'il faut prendre l'ensemble de l'œuvre de Boucher de Perthes et comprendre l'ensemble de l'œuvre. Et si j'insiste sur la métaphysique, qui d'ailleurs de la création est citée à de multiples endroits dans les antiquités celtiques et antédiluviennes, soit directement, soit indirectement, puisque des passages entiers sont recopiés, il ne faut pas se leurrer. En fait, l'impact des œuvres de Boucher de Perthes est quasiment nul du temps de Boucher de Perthes. En revanche, les œuvres publiées. En revanche, son action auprès de la communauté scientifique, les lettres qu'il expédie, les pièces qu'il met au jour et qu'il expédie à travers toute l'Europe, sont des vecteurs très très importants de diffusion de ses idées, mais aussi de l'idée même de préhistoire, d'une période antihistorique et d'une existence de l'homme dans ce temps antihistorique. Et c'est en cela que Boucher de Perthes a un rôle très très important. Boucher de Perthes n'a aucune formation, ni en archéologie, ni en sciences naturelles, absolument aucune. Il le reconnaît dans les premiers temps, l'admet un petit peu moins sur le tard, mais il a effectivement une vraie capacité d'observation, et on a pu nous en rendre compte lorsqu'on a réétudié l'une de ses collections constituées en 1863 et 1864. Il a un vrai talent en tant qu'observateur, mais il n'a pas de compétences particulières. C'est ce qui explique aussi le fait que toute une partie des institutions nationales scientifiques le regarde avec condescendance ou ne le regarde même pas. Donc, on le voit bien, lorsqu'il décide de donner ses collections aux institutions, il va contacter le Muséum national d'histoire naturelle, il va même contacter le musée Cluny à une époque. Et finalement, ces institutions ne veulent pas prendre ces collections, parce que dans ces collections, il y a de tout et de n'importe quoi, selon leurs critères. Hein. Alors, c'est à la fois parce que l'idée de préhistoire n'est pas établie, mais c'est aussi parce que Boucher de Perthes ne pose, par exemple, sur les faunes, quasiment toutes ces déterminations de faune sont fausses lorsqu'il est fait lui-même. Elles ne sont justes que lorsqu'elles sont faites par des paléontologues. Mais tout ça n'est pas bien important. Ce qui compte, c'est l'idée qu'il porte et le succès de cette idée. Et on comprend un petit peu ce rôle fondateur. J'aimerais qu'on avance un petit peu dans cette heure d'émission puisqu'on ne pourra pas parler que... Alors, Claudine Cohen, une très légère précision, mais... Oui, alors, ce qui est très important, moi je crois que quand même, les antiquités celtiques ont été diffusées. On les trouve dans la bibliothèque de Victor Hugo, Place des Vosges. On les trouve aussi citées par les Anglais, dans le fameux livre de 1863 du grand géologue Lyell, l'ancienneté de l'homme, les preuves de l'ancienneté de l'homme, les antiquités sont citées. Et les Anglais sont ceux précisément qui, au moment où les Français étaient encore à renacler contre cette idée, sont venus à Abbeville reconnaître le bien fondé des propos de Boucher de Perthes. Et c'est autour de ces années 58-59 que va se faire cette reconnaissance. Et on comprend bien qu'il faudrait consacrer une heure entière à Boucher de Perthes pour bien cerner le personnage. Claudine Cohen, tout à l'heure, vous l'évoquiez, cette découverte en 1856 d'un crâne d'un homme appartenant à une autre espèce que Homo sapiens en Allemagne, dans la vallée de Néander, donc l'homme de Néandertal. On a du mal aujourd'hui que Néandertal est devenu presque un cousin commun à comprendre le séisme que représente cette découverte. Est-ce que c'est véritablement un séisme et quel débat cette découverte d'un crâne n'appartenant pas à Homo sapiens a pu susciter? Oui, c'est un événement tout à fait remarquable, évidemment par son étrangeté, pour les anthropologues de cette époque. Et encore une fois, beaucoup d'entre eux ont refusé que ce soit un crâne fossile. En ont fait simplement un crâne pathologique ou quelque chose qu'on ne pouvait pas classer dans ce qu'on connaissait. Et puis petit à petit, s'est fait jour l'idée que effectivement c'était un être différent de nous, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il y a eu un certain nombre de textes qui ont reconnu ce fossile comme appartenant à une espèce différente de la nôtre. Alors évidemment, Néandertal a ensuite été de mieux en mieux connu, d'abord par sa mandibule, la nolette qui a été découverte et qui a ajouté à la connaissance de la morphologie du néandertalien. Sa mandibule sans menton, qui est un des caractéristiques du Néandertal. Et puis ensuite, les fameux hommes de Spie, à la fin du 19e siècle. Et là, on a plusieurs fossiles, avec tout le squelette, etc., qui apportaient des connaissances bien plus précises. Et ensuite, en 1908, la découverte de l'homme de la chapelle au sein, qui va être étudié par Marcelin Boule de façon tout à fait magistrale, dans toute son anatomie. Évidemment, avec un certain nombre de biais, un certain nombre de préjugés, qui ne voulaient pas faire de cet homme un être pensant, un être comme nous. C'était vraiment une brute. C'était quand même le seul fossile qu'on a connu pendant longtemps. Il y avait l'Homo sapiens, on connaissait l'homme de Cro-Magnon en 1868, et puis il y avait le Néandertal, qui était vraiment le primitif, la brute, etc. Et puis, petit à petit, quand on a commencé à connaître de plus en plus de fossiles, eh bien on a compris que le néandertalien était finalement pas très lointain, ni dans le temps, ni même dans la morphologie de l'homme sapiens. Quand on a connu, par exemple, dans les années 91-93, le fameux pithécanthrope de Java, on s'est aperçu qu'il avait une calotte basse, crânienne très basse, il avait quand même une morphologie beaucoup plus primitive que le néandertalien. Et donc là, on s'est mis à montrer qu'il y avait quand même une évolution, même si cette évolution on avait aussi du mal à la penser rigoureusement. Arnaud Hurel, j'évoquais cette date de 1856, la découverte du premier crâne d'homme de Néandertal. Il y a une autre, alors c'est pas exactement le premier, je crois qu'en 1830, il y avait une découverte en Belgique, à Angers, mais qu'on n'avait pas su l'interpréter. Il y a une autre date qui est fondatrice pour la préhistoire, c'est la date de 1859. Que s'est-il passé, Arnaud Hurel, en 1859 de si important pour l'histoire de la préhistoire? Votre remarque sur le crâne d'Angis découvert par Schmerling en 1829 prouve toute l'ambiguïté de cette quête du premier, qui n'a pas grand sens en fait. On peut trouver des objets, mais si on n'est pas capable de les interpréter, ça reste des objets morts. Donc finalement, on a une accumulation de données, mais ces données ont besoin d'être réinterprétées lorsqu'on a des réponses à un certain nombre de questions. Mais en fait, il faut se poser des questions. c'est le contexte épistémologique qui prime. Si on ne se pose pas des questions, bah, finalement, les objets, ils seront interprétés avec les questions de leur temps et pas d'un temps futur. Faut laisser quand même toute l'incertitude du futur au passé, hein, comme disait Raymond Aron. Donc voilà, je crois que c'est un point quand même qu'il faut remettre dans le bon sens, je crois. 1859, en fait, c'est le moment où autour de cette question de l'origine de l'homme, il y a deux champs disciplinaires à gros traits, on pourrait résumer entre d'un côté les naturalistes et de l'autre côté ce qui serait sciences humaines, archéologie, histoire et autres, se pose depuis plusieurs décennies la question de l'origine de l'homme. Et en 1859, ce sont ces deux courants qui, se posant la même question, mettent des méthodes différentes, vont se retrouver ensemble, et là, c'est le terme de ensemble a pleinement du sens, puisque c'est in situ, c'est sur le terrain, sur ces terrains de la vallée de la Somme en particulier, que ces Anglais ou ces Français, hein, de traditions disciplinaires différentes, donc il y a des archéologues, il y a des géologues, il y a des paléontologues, ils sont tous ensemble finalement sur ces terrains et vont constater in situ la contemporanéité de l'homme, en tout cas de ses productions matérielles, avec des animaux disparus. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que Annette Laming-Ampère a appelé la cristallisation. 1859, c'est le phénomène de cristallisation autour de cette question de l'origine de l'homme. C'est-à-dire, en fait, finalement, la première question posée par la préhistoire qui va se développer ensuite, c'est finalement faire exploser la chronologie courte au profit d'une chronologie longue. D'ailleurs, un historien de l'anthropologie américain qui s'appelle Thomas Trotman écrit même dans un article assez célèbre que ce moment d'explosion, de rupture de la chronologie de l'histoire de l'homme est finalement presque plus important. Alors tout ça est à mesurer à l'aune de chacun de ses propres idées et de ses propres champs disciplinaires, mais presque plus important que la théorie darwinienne de l'évolution, tellement finalement ça fait exploser presque 2000 ans et plus de concepts, d'idées de l'histoire de l'homme au profit d'une chronologie qui finalement ne semble plus avoir de limite, enfin de point de départ. Il n'a plus de point de départ. Et donc c'est un moment qui est tout à fait fondateur. Alors il est fondateur également parce que d'un point de vue disciplinaire, on a ces deux champs, donc les archéologues et les naturalistes qui vont travailler ensemble, mais très vite on va se rendre compte qu'ils vont à nouveau se séparer et chacun va construire une forme de préhistoire selon des concepts propres. Claudine Cohen, Arnaud Hurel vient à l'instant d'évoquer le nom de Darwin et oui. La naissance de cette théorie évolutionniste dans cette seconde moitié du 19e siècle. Est-ce que la théorie de l'évolution de Darwin est pour le début de la préhistoire étranger à l'évolution de cette discipline, ou bien est-ce que déjà les premiers préhistoriens s'inspirent des travaux de Darwin? Alors cette date de 1859, elle est très commode, hein, puisque c'est le moment de la reconnaissance donc du bien fondé des thèses de Boucher de Perthes par les Anglais. C'est le moment institutionnellement de la création de la Société d'anthropologie de Paris, hein, par Broca, qui est vraiment une institution vouée à l'anthropologie et qui va jouer un rôle majeur dans l'étude de la préhistoire sous toutes ses formes, que ce soit la paléontologie humaine, que ce soit l'archéologie préhistorique, etc. Et c'est la date de publication de l'origine des espèces de Darwin. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces différents événements sont très commodes à regrouper pour l'historien des sciences aujourd'hui sous cette date. Ils sont indépendants les uns des autres. Complètement indépendants. Hein. Et d'ailleurs, je vous ai expliqué que Boucher de Perthes, c'était en province, que la Société de Paris, c'était à Paris, d'anthropologie de Paris, c'était à Paris, et Darwin, c'était en Angleterre. Et la réception de la pensée darwinienne en France est, comme chacun sait, une réception assez difficile. D'abord, la traduction de Clémence Royer est pleine de contresens. L'idée d'évolution même, elle est assignée à Lamarck, et Lamarck lui-même a eu beaucoup de mal à la faire admettre, etc. Et donc, le darwinisme n'intervient pas dans la découverte même de l'homme fossile en 1859, même si dans les décennies qui suivent, il y a un certain nombre de préhistoriens, de paléanthropologues qui se réclament plus ou moins de Darwin, hein, Il y avait un grand paléontologue, qui s'appelait Albert Gaudry, qui s'est réclamé lui-même, bien qu'il fût un métaphysicien et qu'il eût une métaphysique de l'évolution, hein, Dieu jouait un grand rôle pour lui dans l'évolution, mais il se disait darwinien, il avait lu avec beaucoup d'enthousiasme l'origine des espèces, et il a eu en France un certain impact, même s'il était marginalisé pendant assez longtemps, avant de devenir quelqu'un de très important dans l'institution en particulier du muséum. Et donc il y a un certain nombre de préhistoriens, comme par exemple Gabriel de Mortier, qui se réclame de Darwin. Il y a des anthropologues comme Manouvrier, qui se réclament aussi de Darwin. C'est important, parce que c'est celui qui a étudié le pithécanthrope, dont je parlais tout à l'heure. Cela dit, il faut regarder de près ce qu'ils entendent par darwinisme. Hein, vous savez que, moi j'ai beaucoup travaillé sur cette histoire d'arbres. Hein, mon dernier livre s'intitule « Nos ancêtres dans les arbres », il s'agit des arbres phylogénétiques. Chez Darwin, c'est très important, les arbres phylogénétiques. Il faut placer tous ces animaux qui ont une origine commune, et les êtres jusqu'à l'être humain, dans ces embranchements multiples. Or, qu'est-ce qu'on voit dans les schémas du 19e siècle ? On voit une ligne, hein. On voit quelque chose qui n'est pas du tout arborescent, y compris chez Mortier. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'idée d'évolution avait été transcrite comme l'idée de progrès, hein, elle avait été interprétée de cette façon, et c'est comme ça que s'est enclenché le darwinisme social, qui lui a eu une grande fortune en France en particulier. L'idée de progrès, et d'un autre côté, l'idée de sélection naturelle, évidemment, n'était pas du tout prise en compte. Et enfin, quand on a 3 fossiles ou 2 fossiles, on peut pas tellement faire un arbre. Hein. On les met à la queue leu-leu, et puis on met les industries qu'on connaît à la suite les unes des autres. On va pas les mettre... C'est seulement quand on connaît une multitude de formes qu'on va se mettre à montrer qu'elles sont buissonnantes, ce qui est le cas donc dans les découvertes à partir des années 1950, hein, en Afrique. Et on va y venir justement, restez avec nous, on va poursuivre dans un instant ce récit de la naissance et de l'évolution de la préhistoire qui a permis de commencer à lever le voile sur les origines des différentes espèces humaines. C'était au temps de la préhistoire, il y a 200 000 ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de l'orang-outan, debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison. Il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de Mar, l'homme de Gnon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Armé de sa hache de pierre, de son couteau de pierre, il chassait l'ours et la panthère, en serrant les fesses malgré tout. Devant le diplodocus en rage, il se faisait tout de même un peu petit, en disant dans son langage, vivement qu'on invente le fusil. L'homme de Cro, l'homme de Mar, l'homme d'Ognon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon par les quatre barbus à 16h37 dans Eureka sur France Culture. Nous retraçons aujourd'hui l'histoire de la découverte des origines des espèces humaines et nous parlons de l'invention d'une discipline, la préhistoire. Pour en parler, nous sommes avec Claudine Cohen et Arnaud Hurel. Alors on parlait avant la pause des découvertes réalisées au 19e siècle sur les premiers humains. On ne fait pas que découvrir des os d'humains fossiles ou des outils leur ayant appartenu. On commence également à découvrir de l'art. Il y a quelque 40 000 ans, les premiers dessinateurs ont commencé à tracer sur les murs couverts d'argile avec les doigts des images. Ils ont également, avec les doigts souillés d'argile sur des parois rocheuses, promené leurs doigts de façon à faire des espèces d'entrelacs parmi lesquels on voit naître des figures d'animaux et parfois d'hommes. Ils ont aussi imprimé sur les parois des mains cernées de couleur rouge ou noire, qui sont non pas des figures humaines, mais les premières manifestations d'une préoccupation d'associer l'homme aux œuvres d'art qui les avoisinaient. Voilà, vous aurez peut-être reconnu le pape de la préhistoire, l'abbé Breuil, Arnaud Hurel, une réaction à cette archive et puis à ces découvertes qui posent problème tout de suite de traces artistiques préhistoriques. Très heureux de ce petit magnéto que vous nous avez diffusé parce que samedi prochain, la veille de l'Assomption, ça fera 60 ans que l'abbé Henri Breuil est décédé et il n'y aura pas de fête, il n'y aura pas d'anniversaire, il n'y aura pas de commémoration, il n'y aura rien du tout. Voilà, c'est quelqu'un qui a marqué de manière absolument fondamentale la préhistoire au plan international, hein, pas une préhistoire franco-française en l'occurrence, avec Breuil, on fait une préhistoire internationale, et finalement il est hélas totalement oublié maintenant. Pourtant c'est un des architectes de la préhistoire telle qu'on la pratique à l'heure actuelle, et bon nombre de concepts qu'il a pu élaborer ont été discutés et ont permis d'en construire bien d'autres. En fait, cette question de l'art pariétal nous renvoie toujours à cette idée du premier. J'allais dire que de tout temps, les hommes qui ont fréquenté des grottes ont pu discerner sur les parois des représentations, mais aucun d'entre eux n'était capable d'imaginer ou même ne cherchait pas du tout à envisager que ces représentations aient pu être l'œuvre d'hommes il y a quelques milliers d'années, voire dizaines de milliers d'années. Il va falloir que la préhistoire se développe autour d'un axe, certes, il y a d'un côté la paléanthropologie, mais il y a aussi un axe culturel, et que se développe autour de cet axe culturel, pose un certain nombre de questions, pose une idée de civilisation et de civilisation culturelle pour finalement envisager, ou plutôt ne pas envisager, cette question de l'art pariétal. Claudine Cohen a évoqué tout à l'heure la difficulté en France en particulier à recevoir la théorie darwinienne de l'évolution, ça c'est un fait, et finalement en France on va avoir tendance à transformer cette théorie darwinienne de l'évolution en une idéologie du progrès. Et dans cette idéologie du progrès, les scientifiques matérialistes que j'évoquais au début de l'émission, et en particulier l'un d'entre eux, Gabriel de Mortillier, ont un rôle fort, très très très important, et la principale clé d'explication de l'histoire de l'homme, de l'histoire des civilisations, est pour eux, cette clé est pour eux le progrès. Et donc le progrès, quand on est un homme de la deuxième partie du 19e siècle, c'est la machine à vapeur, c'est l'électricité, mais c'est aussi le salon des artistes, c'est les prises de position autour de l'art, de ceux qui veulent s'affranchir des règles traditionnelles de l'art, l'impressionnisme, tout ça, ce sont ces questions-là. Puis c'est surtout aussi l'idée que l'art rentre dans l'intérieur bourgeois. L'intérieur bourgeois se pare de tableaux, et d'un seul coup, on se trouve confronté à au moins bourgeois d'entre nous, l'homme préhistorique, hein, qui semble lui-même dans sa demeure, si on considère que la grotte est sa demeure, avoir paré celle-ci également de peinture. Et donc tout ça vient heurter une logique un peu trop simple, mais qui est une logique qu'il faut remettre dans son temps, hein, donc ne pas avoir un jugement anachronique dessus, mais qui est cette logique du progrès. Et donc il n'est pas concevable pour la quasi-totalité, voire la totalité des préhistoriens européen, de reconnaître cette capacité à l'homme préhistorique d'avoir pu effectuer ce type de représentation, peinture, gravure des grottes. Et donc c'est en 1879 que la découverte d'Altamira et la tentative pendant jusqu'en 1882 des paléontologues et préhistoriens espagnols, leur tentative pour faire reconnaître cette grotte ornée, en tout cas son caractère préhistorique et non historique, bien finalement ils Vous voyez, 3 ans, et pendant 3 ans, ils se battent pour faire reconnaître tout cela, et ils échouent totalement. Et ils échouent pour des raisons non archéologiques, mais qui sont des raisons idéologiques, cette idée du progrès. Claudine Cohen. Oui, alors plusieurs choses. L'abbé Breuil, je pense que, je ne sais pas si la mémoire s'en est perdue, elle est restée en tout cas, il y a eu un certain nombre d'ouvrages qui sont parus récemment, comme d'un homme de terrain. Comme quelqu'un qui a parcouru le monde entier pour identifier des lieux, des objets, pour relever des peintures pariétales. D'ailleurs, aujourd'hui, on le ferait plus de cette façon, mais avec des calques qui posaient dessus. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a joué un rôle majeur dans cette période pionnière de la préhistoire pour mettre au jour tous les vestiges, et ils étaient fort nombreux, qui avaient pu être identifiés. Alors, en ce qui concerne l'art, c'est vrai que l'art pariétal, c'est-à-dire l'art des parois des grottes, a eu du mal à être accepté, hein, et qu'il a fallu vraiment attendre plus de 25 ans pour le voir admettre en 1902, par d'ailleurs l'abbé Breuil et Cartaillac, après un certain nombre de preuves qu'on ne pouvait plus réfuter, à savoir le fait qu'on avait des sites qui étaient recouverts de calcite, qui étaient fermés, etc., et où on trouvait les mêmes dessins qu'à Altamira. Mais cette notion d'art, elle est quand même perçue bien plus anciennement. Dès 1863-64, on trouve des objets. Alors, c'est pas de l'art pariétal, qui lui est très élaboré, qui est peut-être plus difficile à admettre, hein. Mais ce sont des objets d'ivoire taillé, de bois de renne taillé. Ce sont ces petites figurines féminines, hein, la Vénus impudique, cette petite figurine qu'on trouve dans la vallée de la Vézère, et qui est donc une toute petite jeune fille dont on perçoit le sexe très fortement marqué, hein, et qui l'a fait nommer impudique, hein, pour différentes raisons, mais en particulier pour cette caractéristique. Et donc il y a toutes sortes d'objets de ce qu'on appelle l'art mobilier, hein, qui sont identifiés, des très jolies extrémités de propulseurs qui sont taillées sous la forme d'un fan, ou toutes sortes d'objets d'un talent magnifique qui font reconnaître cette capacité de l'homme préhistorique à produire de l'art. Et d'ailleurs, un objet qui est assez intéressant, c'est la gravure d'une silhouette de mammouth sur une plaque de mammouth, qui a été trouvée donc par l'Arte donc sur le site de la Madeleine, mais il était là en compagnie de Falconer, qui était un grand spécialiste des mammouths et qui a tout de suite identifié l'animal. Et donc c'était à la fois une œuvre d'art, mais c'était aussi une preuve que l'homme préhistorique avait côtoyé les mammouths, hein, et avait dessiner leur silhouette sur une plaque d'ivoire de mammouth. Voilà, triple preuve. Arnaud Hurel, si on poursuit dans l'évolution de la pratique de la préhistoire en tant que discipline, qu'est-ce qui marque dans les questions que se posent les préhistoriens et dans leur méthodologie la première moitié du XXe siècle? Qu'est-ce qui change à ce moment-là? Est-ce que les questions restent les mêmes ou bien est-ce que de nouvelles questions émergent et de nouvelles pratiques scientifiques préhistoriques émergent? Alors, la question de l'art est un élément tout à fait fondamental. Le problème de l'art mobilier, c'est qu'il a souffert de son temps. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de bibliotisation de l'art, hein, chez l'homme du 19e siècle. C'est-à-dire que avoir des petits objets chez soi devient à la mode. Et finalement, on va avoir ce même regard sur les objets du quotidien. Enfin, en tout cas, prendre ça comme des objets du quotidien chez les hommes de la préhistoire. Et c'est ce qui va conduire finalement tous ces objets d'art immobilier à n'être que des bibelots d'un quotidien d'hommes préhistoriques. La question de l'art pariétal est différente, effectivement, dans la mesure où il y a des techniques et des techniques qui vont jouer finalement contre la reconnaissance de cet art pariétal. Et donc, il faut quand même aussi prendre en considération d'autres champs disciplinaires. Le développement de l'ethnographie, que ce soit du fait des missions scientifiques ou même des politiques coloniales, hein, des grands empires constitués par la Grande-Bretagne et par la France, fournissent un grand nombre de données ethnographiques. Et finalement, on se rend compte qu'il y a des pratiques artistiques, chez les aborigènes d'Australie par exemple, des pratiques qui sont présentes et renouvelées et qui finalement s'inscrivent elles aussi dans une profondeur temporelle assez vaste. Et donc, ce sont aussi ces éléments issus d'autres champs disciplinaires, de l'anthropologie au sens large du terme, qui vont nourrir de nouveaux questionnements au sein de la préhistoire, qui ne peut plus se contenter d'être strictement archéologique. Elle a besoin d'aller chercher ailleurs des explications, voire de nouvelles questions. Et c'est ce qui va aussi contribuer, ce n'est pas qu'une affaire d'archéologie, contribuer à la reconnaissance de l'art pariétal. Il y a tout ce bouillonnement qui est à l'œuvre et qui est un élément tout à fait décisif. Ce que va faire également Breuil, et là je réponds en fait à vos deux questions, et sur Breuil et sur les nouveaux questionnements au début du XXe siècle, ce qu'il va faire, c'est effectivement, comme le soulignait Claudine Cohen, participer à la reconnaissance de l'art pariétal paléolithique, mais aussi il va retourner au terrain, c'est-à-dire remettre confronter les concepts, et en particulier les chronologies strictement archéologiques, avec la réalité stratigraphique. Je vous interromps, Arnaud Hurel, parce que cette question de la stratigraphie, pour l'instant, c'était l'unique moyen qu'on avait de dater tous ces restes fossiles ou lithiques qu'on retrouvait dans les différentes strates du sol. Et à partir des années 50, se développent d'autres techniques, comme le carbone 14. À partir de la seconde moitié du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, la préhistoire se technicise et là, pour le coup, acquiert des outils venus de bien d'autres disciplines. Mais enfin, je vais peut-être vous paraître abrupt en vous posant une question qui est, est-ce que le changer de marteau va changer la réalisation du meuble entrepris, conçu par l'ébéniste? C'est-à-dire que, est-ce que d'un point de vue épistémologique, le carbone 14 et d'autres techniques de datation bouleversent fondamentalement les questions de la préhistoire? Je n'en suis absolument pas persuadé. En revanche, ça va apporter d'autres éléments, venir en confirmer d'autres éléments, et puis on peut même, il y a même, et à l'heure actuelle c'est tout à fait le cas, des recherches fondamentales autour de ces méthodes de datation. Donc là, il y a de vraies problématiques scientifiques, mais rapportées à la préhistoire, je ne suis pas persuadé que ces nouveaux outils bouleversent fondamentalement les questionnements portés par la préhistoire et la paléanthropologie. Ça va servir à caler, vérifier, infirmer, confirmer, tout ce que vous voulez, un certain nombre d'éléments que le terrain lui-même ou l'analyse typologique vont déjà apporter. Mais en tant que tel, c'est un véritable élément de rupture. Alors, le carbone 14 n'est peut-être pas le bon exemple, mais peut-être qu'on peut évoquer un autre exemple de technique qui, pour le coup, ont apporté des questions nouvelles. C'est la paléogénétique, notamment, qui ont, Claudine Cohen, entre autres, apporté des éléments de réponse sur les métissages entre Homo sapiens et Néandertal, ou qui nous ont même permis de découvrir d'autres espèces humaines, comme l'homme de Denisova. Ça, est-ce que vraiment c'est une révolution dans l'histoire de la préhistoire? Attendez, si, avant de répondre à cette question, je vais un peu aller dans le même sens que Carnot Hurel, au sens où c'est peut-être pas du côté des techniques en tant que telles qu'il faut voir les changements dans le domaine de la préhistoire. C'est dans le domaine des problématiques et des changements de vision. Hein. Alors, on a avec l'abbé Breuil, comme on a dit, une période d'intense découverte, description, classification, donc une approche naturaliste. Et même, on a vu dans ce qu'il racontait sur l'art, qu'il est quand même très évolutionniste. Hein. Pour lui, ça commence par les tracés digitaux, les macaronis, puis après, ça progresse. Ce qui n'est plus du tout aujourd'hui accepté, hein, puisque on a vu la grotte Chauvet, ça commence pas du tout avec des macaronis, hein, ça commence avec des choses... Bon, enfin, en tout cas, dans ce qu'on connaît. Donc, il y a cette période de description, et l'abbé Breuil est vraiment le champion de tout ça. En plus, il apporte quand même un certain type d'interprétation qui est souvent colorée de mysticisme, ou enfin l'idée que l'homme avait des cultes de la fécondité, etc. C'est une perspective assez systématique. Alors après, quand l'abbé Breuil meurt, dans les années 60, il y a un autre chercheur qui d'ailleurs travaille déjà depuis quelque temps, qui est Leroy Gourhan, qui va, à mon avis, profondément renouveler les perspectives de la préhistoire. Et il va les renouveler d'abord en insufflant l'idée d'une paléethnologie. Alors, bien sûr, il y a l'ethnographie, mais il faut voir comment on l'utilise, l'ethnographie. Si c'est juste pour plaquer des coutumes africaines sur les hommes préhistoriques, c'est pas d'une très grande rigueur. Hein. Alors, Leroy Gourhan se méfiait beaucoup de cela, même si quand même... Le comparatisme, même si quand même il empruntait aux Esquimaux, etc., un certain nombre de modèles. Aujourd'hui, ces problématiques se sont beaucoup sophistiquées. Hein. L'ethno-archéologie est une science extrêmement subtile dans ses méthodes et qui apporte, j'ai pas le temps de détailler ici, mais qui apporte aujourd'hui de très grands services à la science de la préhistoire. Mais plus encore, ce que Leroy Gourhan a voulu montrer, c'est d'abord une systématicité, en particulier dans l'art, hein, l'idée que les grottes n'étaient pas juste peintes comme ça, des animaux individuels colorant l'espace, mais comme un système de pensée et probablement un système de représentation. Donc, prêter à l'homme préhistorique des représentations, des pensées, aller chercher une ethnographie au sens vraiment d'une attention à presque de sciences sociales, si vous voulez, à la préhistoire, c'est cela que Leroy Gourhan a apporté, et c'est cela qui se développe aujourd'hui, même si Leroy Gourhan est critiqué sur certaines de ses positions. La préhistoire aujourd'hui devient de plus en plus une science sociale, ce qu'elle ne pouvait pas être à l'époque de l'abbé Breuil. Et c'est une question que je souhaitais vous poser à tous les deux, justement, et c'est ce qui me fascine, moi, dans la préhistoire, c'est à quel point c'est une discipline qui s'intéresse au passé extrêmement lointain, et pourtant, on pose des questions au présent, en regardant dans le passé. Pourquoi est-ce que cette discipline-là est une forme de catalyseur à toutes les questions encore sans réponse de notre présent? Je crois qu'il y a deux choses. La première est qu'il faut bien concevoir que ces hommes du Paléolithique supérieur étaient des gens comme nous, que même s'ils étaient des chasseurs-cueilleurs, c'était des gens qui avaient leur société, leurs règles sociales, leur probablement des règles de parenté, probablement tout un tas d'interdits et de manifestations de la pensée sociale qui s'incarnaient dans leurs relations et dans leurs pratiques. Hein. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, notre regard sur les préhistoriques est toujours, et depuis le 19e siècle, coloré par un certain nombre d'idées reçues qui nous font plaquer un peu sur ce passé dont on sait finalement pas grand-chose. Hein. On a quelques bribes, quelques traces, des morceaux d'outils, des morceaux d'os, mais on n'a pas de parole. Et c'est ça qui constitue la préhistoire, on n'a pas d'écrit. Hein. Donc on est obligé d'inventer un peu et de reconstituer comme on peut. Et de ce fait... la reconstitution est aussi sujette à un certain nombre d'idées préconçues, d'idéologies, y compris des idéologies politiques. Hein, le passé le plus ancien va cautionner ce qu'est le présent. Hein, et très souvent, la préhistoire la plus ancienne, comme en Union soviétique par exemple, servait à prouver des choses sur le devenir économique des sociétés ou des choses de ce genre. Toujours, elle a été utilisée. Alors, il y a évidemment des mouvements d'autocritique de la part des préhistoriens qui ont émergé et qui ont permis de revoir un petit peu toutes ces considérations, y compris sur la question du genre sur laquelle j'ai pas mal travaillé. Oui, la question des femmes également qui est très très présente aujourd'hui dans les études préhistoriques. Arnaud Hurel, pour conclure très rapidement sur cette question que j'ai posée à Claudine Cohen de l'aspect politique et actuel de la préhistoire. En fait, il y a quand même un phénomène qui est intéressant avec la préhistoire, c'est que c'est quand même une passion qui est assez bien répandue parmi nos concitoyens. Et c'est heureusement, parce que d'un point de vue scientifique, ça peut fournir de gros bataillons de chercheurs, tant mieux. Mais il y a le problème de cette passion, c'est un petit peu comme le supporter d'un club de football. Hein, et il vit le match avec passion, il vit l'arrivée de Lionel Messi avec passion, et puis il y a une réalité, et cette réalité, c'est une réalité financière, peut-être plus que footballistique d'ailleurs. Donc il y a deux façons d'aborder la question. Et finalement, cette passion pour la préhistoire, c'est quelque chose qui est en nous depuis le 19e siècle, mais qui a un travers, je crois, qui enfin, pose une vraie question, c'est que on provoque de plus en plus d'empathie. On essaie de voir dans cet homme préhistorique une proximité totale avec nous. Alors effectivement, en termes de genre et d'espèce, il peut y avoir une proximité, mais d'un point de vue strictement culturel, nous n'avons strictement rien en commun avec eux. Strictement rien. Nous parlons quand même de gens qui, alors si on parle de Lascaux, de Chauvet, on va parler au maximum de gens d'il y a quelques dizaines de milliers d'années. C'est pas parce qu'ils ont une vraie pratique artistique, quelque chose qui nous émeut, hein, qui nous touche, qui nous renvoie peut-être à quelque chose de très profond en nous, ce goût pour l'art, ce regard sur l'art. Pour autant, ça n'en fait pas nos égaux d'un point de vue affect, d'un point de vue univers spirituel, par exemple. On est très loin, hein, très très loin. Et on est très loin, mais on est à la fois très proche, et c'est malheureusement déjà l'heure de terminer cette émission. Un grand merci à vous deux, Claudine Cohen et Arnaud Hurel, de nous avoir accompagnés dans ce voyage aux origines de la préhistoire. Et pour conclure cette émission où il a beaucoup été question d'os, on écoute Bones de Syd Matters. Un grand merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Umdenstock, Antonin Amberger, à la réalisation Somaya Dabesh, à la technique aujourd'hui Dimitri Paz. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Demain dans Eureka, nous vous raconterons une histoire rocambolesque, l'histoire de l'invention du zéro. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. Danny turned them into dishes. It didn't take too long, 'cause they were all light fishes and they didn't even got bones. Where have you been? I forgot anyway. What have you seen today? going down every summer is making a trip underground. Hurry up to share with his brother all this. France Culture. L'esprit d'ouverture.